professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quels sont les usages des matières grasses de l'Antiquité? Quelles sont les qualités des graines oléagineuses à côté de l'huile d'olive? Demande l'archéologue Jean-Pierre Brun. Comment l'huile d'olive, dont l'arbre a une place toute symbolique dans le monde antique, est-elle le dénominateur commun, la spécificité du monde méditerranéen? Comment est-elle un marqueur culturel fort? Quels étaient les procédés d'extraction, de broyage pour fabriquer l'huile d'olive? Comment fonctionnaient les huileries? Jean-Pierre Brun, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Technique et économie de la Méditerranée antique, nous entraîne dans une vaste fresque sur le temps long, dans le cadre de sa série pluriannuelle consacrée à une approche archéologique et économique de l'huile d'olive dans le monde antique. Après avoir ouvert sur une histoire de l'olivier et de ses fruits du néolithique à l'Antiquité, en faisant le lien avec aujourd'hui, et après avoir présenté la culture de cet arbre et la récolte des olives, il a montré, et je le cite, que lorsque l'on traite de l'oléiculture, on a naturellement tendance à s'attacher surtout à l'huile, qui était le produit le plus valorisé et le plus commercialisé. Il ne faut pas oublier que les olives étaient une nourriture de base des paysans et des ouvriers. Nous avions terminé la semaine passée sur la commercialisation des conserves d'olives et la fabrication de pâtes. Aujourd'hui, nous ouvrons le chapitre des huiles. Et là encore, tout en nous livrant un état des lieux passionné de la recherche, l'archéologue qui a fouillé de nombreuses installations vinicoles et oléicoles romaines, notamment en Provence, mais aussi en Italie et en Grèce, corrige quelques simplifications tout en nous prévenant des biais d'une documentation savante, plus préoccupée des produits des riches propriétaires et des usages thérapeutiques. De fait, certaines pratiques, comme l'usage de l'huile de noix dans les Alpes, reste encore à découvrir grâce à l'analyse chimique, espère l'archéologue. Aussi, le cours d'aujourd'hui ouvre sur les autres matières grasses et leurs usages, des matières animales aux graines oléagineuses. Grâce au papyrus d'Égypte, c'est une très large palette que nous découvrons ce matin. Le sésame d'Égypte et le ricin, qui sert notamment pour l'éclairage, les graines de lin ou l'huile de banne ou moringa peregrina, utilisée en cuisine en Égypte et réputée bien tenir les parfums selon le mot de Théophraste, tandis que Pline la loue pour ses qualités médicinales. Mais c'est aussi l'huile d'amande, l'huile de cartame, l'huile de graines de courge. Toute une palette certes large, mais que domine la mythique huile d'olive. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 30 octobre 2017 pour le cours de Jean-Pierre Brun, Technique et économie de l'huile d'olive dans la Méditerranée antique. Aujourd'hui, huile de lin, huile de banne et huile d'olive. Il convient de rappeler ici que les anciens utilisaient beaucoup de gras animaux en cuisine, notamment celui de porc, et plusieurs autres huiles végétales tirées des graines oléagineuses. Mais, à part en Mésopotamie et en Égypte, on a bien du mal à saisir ces huiles dans la documentation archéologique. Il est vraisemblable que les analyses chimiques de plus en plus fréquentes permettront à l'avenir de rétablir leur juste place à la fois dans l'alimentation mais aussi dans les autres usages tels que l'éclairage ou les soins du corps. Le gras du porc, que les Latins appellent adeps, était omniprésent dans la campagne, mais il est mal représenté dans les sources écrites, car les auteurs évoquent surtout la cuisine des urbains, essentiellement des privilégiés. Une cuisine savante, telle que celle qui nous a été transmise par le recueil d'Apicius. Le saindoux apparaît donc assez peu, sauf chez Caton, qui est toujours très proche de la vie rurale, Caton qu'il emploie par exemple pour les gâteaux, et vous trouverez mention de l'usage du saindoux dans le De Agricultura, paragraphe 79, 89 et 121. Mais c'est à peu près tout, mis à part que le gras de porc fait partie des denrées de base que liste, bien des siècles plus tard, l'édit sur les prix de Dioclétien, pris en 301 après Jésus-Christ. On trouve donc une mention de l'adeps requens, c'est-à-dire du lard frais, et en 410 et 411, et du lard salé. On devait aussi utiliser la graisse des autres animaux, tels que le bœuf, la chèvre, le mouton, soit comme fond de cuisine, soit pour divers usages. Mais les seules attestations conservées concernent leur usage en médecine, parce que c'est ça que les auteurs mentionnent, bien entendu, parce que c'est quelque chose de très particulier. La graisse d'oie était déjà un gras de luxe, si l'on en croit un passage de la satire 6 de Perse au vers 71. Les huiles d'animaux marins, telles que les phoques et les dauphins, sont aussi mentionnées par Pline, au livre 32, paragraphe 117, mais surtout pour des usages médicaux. Quant aux huiles de poissons, proprement dites, ce n'est guère qu'une curiosité ethnographique qui concerne les ichthyophages des côtes de la mer Érythrée, et vous en trouverez mention, par exemple, chez Arien, dans le livre sur l'Inde, en 29-14. À côté des gras animaux, il y avait un grand nombre d'huiles de graines qui tenaient une place éminente en médecine et en parfumerie, mais pour quelques-unes seulement, une place importante dans l'alimentation ou dans l'éclairage. Pour donner une idée de la place de ces huiles de graines en Égypte ptolémaïque, je citerai le papyrus Petri 75, ligne 15 et suivante, qui donne la répartition des cultures dans le Fayoum sous Ptolémée III, entre 246 et 221 avant Jésus-Christ. On trouve 180 000 arous, c'est-à-dire 48 500 hectares, qui étaient cultivés principalement en blé. Mais parmi celles-ci, 316 arous, c'est-à-dire 85 hectares, portaient des graines oléagineuses, surtout du sésame, 261 arous, puis du ricin pour 55 arous. À cette époque-là, l'olivier, qui s'implantera fortement dans le Fayoum au cours de l'époque hellénistique et surtout de l'époque romaine, ne tient encore qu'une place très négligeable. Nous avons vu d'ailleurs dans le cours précédent les efforts de Zénon de Konos pour planter des oliviers dans le domaine d'Apollonios à Philadelphie, donc toujours dans le Fayoum. Un panorama d'ensemble de la culture et de l'emploi des graines oléagineuses à partir de la documentation papyrologique a été dressée pour l'Égypte ptolémaïque par Brent Shandy dans The Production and Use of Vegetal Oils in Ptolemaic Egypt, paru à Atlanta en 1989. D'un point de vue archéologique, les fouilles d'Hermitage copte des 7e et 8e siècles après Jésus-Christ dans la nécropole de Thèbes ont récemment mis au jour des couffins, que l'on appelle en termes techniques, et vous le verrez souvent apparaître dans ma bouche, donc on appelle des scourtins, et qui contenaient donc non pas des olives, mais des graines pressées. La place des huiles de graines est donc sous-estimée et mal documentée, surtout dans l'Occident romain. Et c'est pourquoi je voudrais rappeler ici leur place et leur rôle, car ces huiles ont fait l'objet d'un commerce dont il s'agit de déterminer l'ampleur et la périodisation. L'huile de ricin, par exemple, était couramment employée comme carburant dans les lampes à huile. Pour recenser ces villes, nous serons obligés de prendre en compte les maigres documentations qui nous est parvenues, principalement les papyrus documentaires égyptiens d'époque ptolémaïque et romaine, et pour l'Empire romain, les quelques mentions dans l'histoire naturelle de Pline, surtout le livre 15, qui est consacré en partie à l'olivier et aux arbres fruitiers, et le livre 23, qui traite des applications thérapeutiques des huiles, qu'elles soient huiles essentielles ou non. Le désordre dans lequel Pline, d'ailleurs, présente ses différentes huiles a été excellemment commenté par Jacques André dans l'édition qu'il a donnée du livre 15 de l'Histoire naturelle à la Société des Belles-Lettres. Je vous y renvoie pour les détails, mais j'extrais cette citation de son commentaire. « Toutes ces huiles, dit-il, ou pseudo-huiles, sont confondues dans un désordre ahurissant et présentées sans la moindre tentative de classement. » Alors André s'est substitué à Pline et a essayé de reclasser en certaines catégories ce que Pline raconte. Alors il y a d'une part une première catégorie qui correspond aux huiles d'arbres, c'est-à-dire principalement d'oléastres, d'olivier ou d'amandier, en 1524 et 1525. Il y a les huiles de graines. Troisième catégorie dans le texte de Pline concerne les huiles artificielles, ce qu'il appelle les huiles artificielles, c'est-à-dire les huiles parfumées, obtenues par macération dans de l'huile d'olive, de fruits, de branches, de feuilles et de racines aromatiques. Il y a aussi les huiles essentielles, tout ça est extrêmement mélangé, qui sont volatiles et qui sont obtenues par cuisson, par exemple lorsqu'on fait chauffer de la résine. Il mêle aussi avec les huiles une oléorésine naturelle, l'éléomélie, en 1532. Il y ajoute aussi un mélange artificiel d'huile et de moût de vin, le glucinum, au paragraphe 29. Et enfin, les huiles de poisson, au paragraphe 29 aussi. Malgré ce désordre ahurissant, comme dit Jacques André, les indications de Pline concernant les procédés de fabrication et l'usage des huiles de graines restent fondamentales. Je m'en tiendrai ici, bien entendu, aux huiles qui nécessitent un broyage et un pressurage, des graines laissant de côté les nombreuses huiles essentielles, par exemple l'huile de genévrier oxycèdre, l'huile de cédra, de myrte, etc., qui sont obtenues principalement par chauffage et enflorage. En effet, cette revue des huiles de graines nous aidera à comprendre les particularités de certaines huileries antiques, notamment celles qui sont trouvées en Égypte. Alors commençons par les graines les plus couramment utilisées, c'est-à-dire le sésame, le ricin, le radis, le lin et la noix. L'huile de sésame d'abord. Le sésame est une plante annuelle qui est à peu près un mètre de hauteur environ, dont les graines contiennent jusqu'à 50% d'une huile excellente. Cette plante était largement cultivée en Mésopotamie, comme le rapporte Hérodote, au livre 1, paragraphe 193, et Strabon, dans la géographie, au livre 16, paragraphe 1, 14 et 20. Hérodote donc précise que la Babylonie, je cite, « n'a ni figuier, ni vigne, ni olivier ». Les Babyloniens n'usent pas d'huile d'olive, ils extraient du sésame, un liquide gras. Les sources babyloniennes, d'ailleurs, nous indiquent comment l'huile était produite. On écrasait d'abord les graines de sésame, puis soit on les pressait, soit on les plongeait dans l'eau chaude pour que l'huile flotte en surface. La méthode est aussi décrite par Pline, au livre 18, paragraphe 98, en ces termes. Je cite « Les graines de sésame sont d'abord trempées dans l'eau chaude, puis elles sont écrasées pour retirer la peau, puis placées dans l'eau froide pour que la balle flotte. Ensuite, il faut les sécher rapidement au soleil pour empêcher qu'elles pourrissent. » Dans l'Athènes du IVe siècle avant Jésus-Christ, l'huile de sésame était largement employée par les parfumeurs, au dire de Théophraste. Et on trouvait la mention dans le traité sur les odeurs en 14 et en 20. Et deux inscriptions mentionnent des vendeuses de sésame, Onésime et Sotéris. Inscription grecque de 1554 et 1561. En Égypte, il est probable que ce sont les Perses qui l'ont importé, car les cultures existaient immédiatement avant la conquête grecque de 332 avant Jésus-Christ. Les archives de Zénon, par exemple, mentionnent 52 fois le sésame. Damien Agu, notre collègue spécialiste de démotique, a récemment fait le point sur cette question dans un article intitulé « Impossible monopole, l'exemple des reçus démotiques pour prix de l'huile de sésame ». Et il a utilisé pour écrire cet article des reçus trouvés à Éléphantine et à Thèbes. Le papyrus de revenus, que l'on appelle usuellement « Revenue Laws », d'après la publication Princeps de Bernard Grenfell, « Revenue Laws of Ptolemy Philadelphus », paru à Oxford en 1896, donc le papyrus de revenus aux lignes 60-72, indique que la majorité des plantations de sésame se trouvaient dans le delta du Nil. La fabrication de l'huile, soumise à monopole d'État, était très surveillée. La réglementation royale de la ferme de l'huile, qui est bien détaillée au paragraphe 38-72 de ce grand papyrus, entraînait une cherté de l'huile et une production parallèle d'huile de contrebande, qui était évidemment moins chère. Alors, comme pour la gabelle de notre ancien régime, l'État imposait une obligation d'achat d'huile de sésame au prix fort tous les mois. Le monopole de l'huile portait aussi sur les autres huiles, bien sûr, le ricin, cartame, la courge, comme nous allons le voir. Après la prise de contrôle de l'Égypte par Octavien en 31 avant Jésus-Christ et durant l'Empire, la culture du sésame a fortement diminué et l'huile de sésame a été remplacée par les huiles de radis, les huiles de benne et les huiles d'olive. L'huile de sésame continue toutefois d'être utilisée en parfumerie et en médecine et on en trouve par exemple mention dans le traité de Dioscoride sur les plantes médicinales, livre 1, paragraphe 34. Mais Pline, quant à lui, s'intéresse surtout à l'origine indienne du sésame, notamment dans les passages du livre 15-28 et du livre 16-96, bien que le sésame soit largement cultivé par les Égyptiens et par les Grecs. En dehors de l'huile de sésame, on faisait aussi beaucoup en Égypte, et peut-être en partie en Afrique du Nord, de l'huile de ricin. Le ricin a eu une importance sûrement plus grande que la place qu'on lui fait, surtout en tant que combustible dans les lampes à huile. Hérodote décrit en détail les procédés de fabrication de cette huile, au livre 2, paragraphe 94. Je cite « Les Égyptiens, qui habitent les régions des marécages, emploient une sorte d'huile étirée du fruit des ricins. Ils l'appellent kiki et la préparent de la façon suivante. Sur les bords des cours d'eau et des marais, ils sèment ces ricins qui, dans les pays grecs, poussent d'eux-mêmes à l'état sauvage. Semée, cette plante produit en Égypte des fruits abondants, mais qui sentent mauvais. Les Égyptiens les ramassent, ils les concassent, ils les pressent, ou bien les font bouillir après les avoir torréfiés et recueillent ce qui en découle. C'est un liquide gras qui n'est pas moins bon pour les lampes que l'huile d'olive, mais exhale une forte odeur. Les graines de ricin, qui mesurent entre 8 et 20 mm, contiennent environ 50% d'huile. En les écrasant, on obtient une huile d'une haute densité et d'une haute viscosité qui a des qualités très évidentes. Elle reste liquide à basse température, résiste très bien à la chaleur et brûle sans aucun résidu. Elle était donc très largement utilisée pour l'éclairage, et cela dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, comme on le voit dans les archives de Zénon, et notamment dans un papyrus qui est le papyrus Cairo-Zénon 459689. L'utilisation est très ancienne, et on trouve des cultures de ricin déjà mentionnées dans les ostracas démotiques d'Ain Manawir et d'Ain Zaïda dans l'oasis de Douch au sud de Harga en Égypte, où par ailleurs des graines de sésame véritables, contemporaines de ces papyrus, ont été trouvées. On en faisait un fréquent usage à l'époque ptolémaïque où sa fabrication, comme nous l'avons vu, était elle aussi soumise au monopole de l'huile, mais comme le sésame, sa culture semble avoir diminué à l'époque romaine. Pline, au livre 15, paragraphe 25, décrit le procédé d'extraction et signale son usage pour l'éclairage en disant toutefois que la lumière était faible. Quant au médecin Dioscoride, au livre 1, paragraphe 32, il savait très bien qu'elle était impropre à la consommation, car toxique et laxative, et il employait donc pour cet usage, Pline aussi d'ailleurs mentionne son usage au livre 23, paragraphe 83, comme purge contre les inflammations du siège et pour des traitements de la peau, notamment contre la gale. Donc on voit que ce sont essentiellement ces deux fonctions, l'éclairage et la médecine. On faisait aussi de l'huile de radis, l'oleum raffaninum. C'est un produit qui semble absent à la période ptolémaïque. Et le radis a été cultivé pour ses graines en Égypte, principalement à l'époque romaine, où beaucoup de papyrus y font allusion. Les radis et les navets sont plantés entre septembre et décembre et récoltés deux mois après. Pline, au livre 15, paragraphe 30, et au livre 19, paragraphe 79, dit qu'on fait plus d'huile de radis en Égypte que de toute autre plante. Et le Talmud, dans le traité du Shabbat, au paragraphe 26a, indique que c'est la seule huile disponible à Alexandrie. Les attestations sont effectivement très nombreuses dans les papyrus d'époque romaine, et l'huile de radis sera aussi listée dans l'édit sur les prix de 301, pris par Dioclétien, au titre 3, paragraphe 4. Cette huile avait principalement un usage alimentaire, mais Dioscoride l'utilisait aussi dans ses remèdes, et notamment au livre 1, paragraphe 37. Sa production, toutefois, et son utilisation sont limitées à l'Égypte, et on n'a pratiquement pas d'attestation ailleurs. En Égypte, on faisait aussi de l'huile de lin, semée d'octobre à la mi-novembre, récoltée en mars et en avril. Les graines de lin contiennent entre 35 et 45% d'une huile qui rancit vite, mais que l'on peut utiliser en cuisine. L'extraction est plus délicate car les graines contiennent de l'acide prussique. Les graines doivent donc être chauffées dans l'eau avant d'être traitées, car cet acide doit être éliminé avec l'eau. Des graines de lin ont été découvertes déjà dans des sites prédynastiques, tels que Mahadi, El Omari, etc. Le lin est mentionné dans le papyrus des revenus Laws de Ptolémée II, mais son usage en tant que graine oléagineuse disparaît, semble-t-il, presque totalement à la fin de la période ptolémaïque. Il faut aussi faire un sort à l'huile de noix, qui est certainement sous-évaluée par les historiens de l'Antiquité. On sait que dès le XIXe siècle avant Jésus-Christ, on l'utilisait à Caniche, en Anatolie. À l'époque classique, les noix étaient une spécialité reconnue de la région du Pont. Et Théophraste, dans l'Histoire des plantes, au livre 4, paragraphe 5-5, note son abondance sur les monts du Tmolos et sur l'Olympe de Mysie, dans la Turquie actuelle, mais aussi en Macédoine et sur l'Olympe de Pyrée. Il est probable que bien des contrées montagneuses, notamment les Alpes, en produisaient pour la consommation locale, mais on n'a guère d'attestation littéraire. Pline consacre en fait trois paragraphes aux variétés de noix en livre 15, paragraphes 86, 87 et 88, mentionnant Nux juglans, Nux persuca ou Nux basilica, et indiquant que les noix deviennent plus grasses en vieillissant, mais selon lui, que l'huile a un goût désagréable. Il en reparle en 15-28 et en 23-88. Comme Dioscoride, au livre 1, paragraphe 34, il ne mentionne son emploi que comme remède, par exemple contre l'alopécie, ou pour le traitement des oreilles, ou en friction contre les céphalées, et pas du tout son usage alimentaire, qui était probablement assez répandu toutefois dans les zones montagneuses, mais comme les auteurs parle très rarement de ce qui se passe dans les zones montagneuses, notamment dans les Alpes, c'est très sous-évalué. Donc je pense qu'il faut que nous gardions à l'esprit que certaines installations d'huilerie, notamment dans les zones de montagne, ont pu traiter de l'huile de noix, et c'est ce qu'il faudra rechercher éventuellement grâce à la fois un tamisage serré des sédiments et des analyses chimiques adaptées. On a trouvé, bien entendu, à Pompéi et dans la zone de Pompéi, des noix carbonisées par l'éruption du Vésuve, et on en trouve très souvent dans les gisements archéologiques, notamment lorsque la nappe phréatique a conservé le bois. Mais jusqu'à présent, je ne connais pas d'installation de production où on a fait de l'huile de noix. Mais c'est une question qu'il faut garder en tête. D'autres graines et amandes ont été utilisées, mais semble-t-il surtout en parfumerie et en médecine. D'abord, l'huile d'amande, le néopoum. L'huile d'amande amère, qui était une spécialité de la Cilicie et de la Sicile, était donc surtout utilisée pour la fabrication de l'huile parfumée. Et elle est très clairement mentionnée par Théophraste dans le traité sur les odeurs, au paragraphe 15, et dans, par Apollonios chez Athénée, au livre 15, paragraphe 688, ainsi que chez Pline, en 13-19. Mais, semble-t-il, Pline nous dit qu'elle se conserve peu de temps et qu'elle perd très rapidement ses qualités olfactives. Pline en décrit l'extraction en 1526, il dit « L'huile d'amande, que certains nomment néopoum, est extraite d'amande amère, séchée, pilée et réduite en une pâte qu'on arrose d'eau, puis écrasée à nouveau et pressée. » Selon Dioscoride, en 1.33 et Pline, en 23.85, cette huile était employée en médecine pour purger, pour assouplir le corps, pour effacer les rides et embellir le teint. On la mélangeait parfois avec du miel pour guérir les boutons. Et en mélange avec du rhodinone, c'est-à-dire avec de l'huile parfumée à la rose, et des bourgeons de grenadier, on l'employait pour soigner les oreilles, les acouphènes, les douleurs céphalées et oculaires. On voit donc un usage essentiellement médical et pas du tout alimentaire. Il en était à peu près de même pour l'huile de benne, c'est-à-dire le moringa peregrina ou oleifera. C'est une huile qui est connue depuis l'ancien empire égyptien sous le nom de Bac. Le moringa est indigène au Soudan, dans le désert oriental d'Égypte, entre Hurghada et Kosser, dans le Sinaï et en Palestine. On en récolte ses gousses entre août et octobre. Chaque goutte contient trois noix qui donnent une huile jaune, pâle, douce et sans odeur. En Égypte, elle est courante et on s'en servait en cuisine, mais partout ailleurs, elle était réservée pour la fabrication des parfums, car elle était réputée bien prendre les odeurs. On l'employait donc surtout pour les parfums de qualité supérieure, comme le souligne Théophraste dans le traité sur les odeurs au paragraphe 19. Théophraste qui en fait la base d'un parfum célèbre qui s'appelle le mégaléon. Selon Pline, le mendésium, le susinum, le mégalium, le foliatum et le cinnamonium, ainsi que le parfum royal, qui sont tous mentionnés au livre 13 de l'Histoire naturelle, ont pour base l'huile de benne. Pline cite d'ailleurs souvent l'huile de benne, par exemple en 1528, ou en 1200 et en 2398, pour ses qualités médicinales, et notamment ses qualités purgatives, qui sont reconnues aussi par Dioscoride, au livre 4, paragraphe 157. Donc là encore, principalement une production égyptienne et de la péninsule du Sinaï, principalement pour les parfums, mais dans les pays de production, on l'utilisait aussi pour faire la cuisine. On utilisait aussi en Égypte de l'huile de cartame, qui est le safran bâtard, et que l'on appelait le nekos, et le terme officiel c'est cartamus tinctorius. C'est un produit cité par Théophraste dans l'Histoire naturelle, au livre 4-5, sous ses deux formes, à la fois sauvage et cultivé. La plante donne des graines qui contiennent environ 50% d'huile. Les mentions sont rares dans les documents ptolémaïques, mais mis à part le fameux revenu Laws sur les revenus de Ptolémée II, qui inclut l'huile de cartame dans le monopole de l'huile. En revanche, sa production semble avoir augmenté à l'époque romaine quand on en trouve beaucoup plus de mentions. Pline, dans l'Histoire naturelle, livre 21, paragraphe 90, et Dioscoride, au livre 1, paragraphe 36, par exemple, le cite en tant que médicament également. On faisait aussi de l'huile de salade, de graines de salade en fait, l'huile de lacanos, qui est mentionnée surtout dans les papyrus égyptiens d'époque romaine, et ça pourrait correspondre en fait à notre laitue, la toca sativa, dont les graines contiennent en fait jusqu'à 35% d'huile. Enfin, on fait aussi de l'huile de graine de courge qui est mentionnée dans le monopole de l'huile des Revenulots. Collège de France et France Culture vous présente l'archéologue Jean-Pierre Brun, technique et économie de l'huile d'olive dans la Méditerranée antique. Aujourd'hui, l'huile de lin, de banne et l'huile d'olive. Donc nous voyons une très large palette, surtout en Égypte, où nous avons évidemment les renseignements donnés par les papyrus, ce que nous n'avons pas ailleurs. Mais malgré tous ces concurrents qui occupent, selon les lieux, des positions plus ou moins fortes, c'est l'huile d'olive qui reste la spécificité et le dénominateur commun de la Méditerranée. Nous avons vu que l'arbre est le symbole de l'ère méditerranéenne, et que l'extension de sa culture marque les limites de son climat. C'est aussi un marqueur culturel fort. Dans le roman de Sinoué, que j'ai cité dans un cours précédent, qui remonte aux années 1950 avant Jésus-Christ, le personnage est rentré enfin dans sa terre natale à la fin de sa vie, et il dit « On fit disparaître de mon corps la trace des années en m'épilant, mes cheveux furent peignés, la vermine fut abandonnée au désert, et les vêtements grossiers aux coureurs de sable, vêtus désormais de belles étoffes de lin, loin d'huile fine et dormant sur un lit, je laisse le sable à ceux qui y vivent, et l'huile d'arbre, c'est-à-dire en l'occurrence l'huile d'olive, puisqu'il avait passé toute sa vie en Palestine, je laisse l'huile d'arbre à ceux qui s'en frottent. » Donc la différence entre l'Égyptien civilisé, au sens où Sinoué l'entend, et l'habitant de Syro-Palestine est bien marqué sur le plan de l'huile qui est utilisée. Ce marqueur se retrouve bien entendu renversé lorsque les Grecs, après avoir conquis l'Égypte, s'implantent et trouvent bien peu d'oliviers. Les Égyptiens, en effet, comme nous l'avons vu, utilisaient surtout de l'huile de sésame, de ricin, de lin, et rares étaient les olivettes. Les archives de Zénon, qui étaient chargées de mettre en valeur le grand domaine de Ptolémée II, que Ptolémée II avait offert à Apollonios, son ministre des Finances, nous montre donc ces efforts que font les Grecs pour planter des oliviers dans le Fayoum et pour répondre donc à leurs besoins culturels. Mais ce n'est qu'à l'époque romaine que ces oliviers sont devenus assez étendus et assez importants pour concurrencer véritablement les huiles de graines en Égypte même, même si nous l'avons vu, l'huile d'Aradi restera dominante dans certains secteurs et notamment à Alexandrie. Les Méditerranéens, envoyés par l'armée romaine dans les provinces au nord de l'Europe, en Germanie et en Bretagne, ont eu ce même besoin d'huile qu'ont eu les Grecs lorsqu'ils sont arrivés en Égypte. Et ils ont fait venir cette huile par des trajets longs et complexes, notamment à partir de l'Espagne méridionale et de la région de la Bétique. On suit ainsi le trajet des amphores Dresselvin jusqu'au limès de Germanie et au mur d'Adrien. Ce besoin entraîne donc un flux commercial, mais du fait des particularités botaniques des oliviers, n'a pas provoqué la même mutation des cultures et des paysages que le besoin de vin qui a transformé, lui, totalement nos paysages et nos économies pour les deux millénaires qui ont suivi la conquête romaine. Donc, il est temps d'en venir à l'extraction de l'huile d'olive. Pour extraire l'huile des olives, point n'est besoin d'un appareillage complexe. Un gros galet une pierre creuse ou un mortier, de l'huile chaude, un linge peuvent suffire. Pendant longtemps, on a utilisé exclusivement des procédés primitifs qui laissent peu de traces archéologiques et qui ont continué jusqu'à une époque récente à être utilisés pour des productions familiales au Proche-Orient, en Grèce et en Afrique du Nord, ainsi que dans les îles, comme par exemple en Corse. Certains de ces procédés se sont conservés par endroits. Au Proche-Orient, à la fin du siècle dernier, des paysans libanais se contentaient de broyer les olives dans un mortier, de les recouvrir d'eau chaude et de recueillir l'huile qui surnageait. Il y a encore une vingtaine d'années, les paysans de Thessalie broyaient les olives sur un bloc avec un petit rouleau en pierre, puis remplissaient un sac avec la pâte, les piétinaient pour extraire l'huile et l'écrasaient avec une barre de bois à laquelle était suspendue une grosse pierre. En Kabylie, les olives étaient écrasées sur une pierre, puis la pulpe piétinée avec adjonction d'eau chaude pour amener l'huile à surnager. En Corse, on écrasait les olives, on les pressait dans un sac que l'on appelait la sakoula, comme le faisaient les Égyptiens de l'Ancien Empire. Ces procédés ont bien sûr des rendements faibles et les quantités traitées sont forcément restreintes. En contrepartie, ces procédés donnent des huiles très douces et très appréciées. Pour des usages religieux, notamment chez les Juifs, on continue de faire de l'huile sans moulin, en se rattachant ainsi symboliquement aux temps originels. Pour les époques archaïques et classiques, du 8e au 4e siècle avant Jésus-Christ, les moulins et les pressoirs sont peu visibles, car ils étaient souvent réalisés en bois et en matière périssable. La construction des grands pressoirs à levier demandait de grands moyens financiers hors de portée des petits paysans qui formaient la majorité des exploitants. De tels équipements ne se justifiaient que pour des grands propriétaires qui avaient en vue des cultures spécifiquement destinées à la vente. Dans les stèles des Hermocopides, déjà citées des années 415-414 avant Jésus-Christ, on trouve d'ailleurs des mentions de pressoirs à vin et à huile associés à des propriétés ou à des maisons de ville de grands propriétaires qui étaient poursuivis pour l'affaire de la mutilation des Hermès. Cette répartition socio-économique très particulière limite la visibilité de l'héliculture jusqu'à l'époque hellénistique, surtout dans les fouilles réalisées anciennement qui n'ont pas fait de tamisage des sédiments. C'est en effet le tamisage systématique qui permet de repérer, par la présence de fragments de noyaux d'olive et de pépins de raisin, des productions dont les instruments n'ont pas laissé de traces visibles. Alors, on va essayer de suivre toute la chaîne pour voir quelles traces ça peut laisser. Commençons par le stockage. Dès que la production dépassait le cadre si strictement domestique et qu'on employait un moulin à huile privé ou collectif, se posait la question du stockage des olives en attente d'être traitées. Lorsque les olives arrivaient des olivettes, dans des sacs ou dans des paniers, on devait les entreposer avant que le moulin soit libre pour les broyer. Souvent, on les entreposait en tas dans une cour. Une peinture de la nécropole d'Adrumet en Tunisie, datée de la première moitié du IIIe siècle après Jésus-Christ, représente la cour d'une mulerie avec les tas d'olives en attente d'être broyées. En Judée, on déposait les olives parfois sur le toit des maisons. Le Talmud de Babylone indique que les olives sont déposées en tas sur le toit-terrasse de l'huilerie jusqu'à ce que les margines suintent. On les portait alors au pressoir. Mais dans l'Italie, où la Gaule tempérait, il fallait les mettre à l'abri, et notamment dans des entrepôts. Les agronomes mentionnent qu'on les dépose in tabulato, dans le traité de Caton, de Agricultura, ou in tabulatis, chez Pline, sur un plancher donc, qu'il faut comprendre comme équipé de compartiments en bois. Caton, dans le De Agricultura 3.4 et un peu plus loin au paragraphe 64, insiste sur la nécessité de presser au plus vite et de laisser les olives le moins possible dans les compartiments de bois. Je cite, « Quand les olives seront mûres, il faudra les récolter le plus tôt possible. Il faut qu'elles restent le moins possible par terre et sur le plancher où elles pourrissent. Les mouliniers veulent qu'elles restent longtemps dans les compartiments, de manière à ce qu'elles blétissent pour que l'extraction soit plus aisée. Ne croyez pas que les olives puissent gagner en huile dans les compartiments. Les olives qui seront restées longtemps par terre ou dans les compartiments ou sur le plancher donneront moins d'huile et l'huile sera moins bonne. Pline, de son côté, au livre 15, paragraphe 4, dit « Quand on garde intabulatis les olives récoltées et quand on ne les presse pas avant qu'elles ne suent, tout délai diminue l'huile et s'accroît ainsi l'amurca, c'est-à-dire les margines et l'eau de végétation. Quant à Columel, au livre 12, paragraphe 52, il est beaucoup plus précis. Il répète que la plupart des agriculteurs croient qu'en déposant les olives sur les planchers, on leur fait produire une plus grande quantité d'huile, ce qui est une assertion aussi fausse que si l'on prétendait que les grains croissent sur l'air. Mais surtout, Columel décrit les compartiments dans lesquels on entreposait les olives. Et je lis ici la traduction de Jacques André dans « Les belles lettres » 1988. « Il est nécessaire d'avoir un plancher où porter les olives, bien que nous ayons pour règle de soumettre sans délai à la meule et au pressoir la récolte quotidienne. Cependant, comme il arrive que le travail de pressoir ne suffise pas à l'abondance des olives, il faut avoir un grenier surélevé, pencillé aureum, pour recevoir les fruits, grenier qui doit être planchéié comme celui réservé au grain et comporter autant de compartiments, et là le terme employé est la couscoulis, au pluriel la couscoulis, autant de compartiments qu'en exigera la quantité des olives pour séparer et mettre à part la récolte quotidienne. Le sol de ces compartiments doit être pavé de pierres ou de tuiles et avoir une pente suffisante pour que tout le liquide s'écoule rapidement par des rigoles ou des tuyaux, canales aut fistulas, car l'amurca, c'est-à-dire l'eau de végétation, est la plus grande ennemie de l'huile. Elle gâte le goût si elle reste dans l'olive, et nous savons désormais par les études modernes qu'elle y fermente et c'est pour ça qu'elle gâte le goût. Et c'est pour ça, continue Columel, que vous aurez construit les compartiments comme je l'ai indiqué, que vous placerez au-dessus du sol de petites olives distantes entre elles d'un demi-pied, sur lesquelles vous jetterez des canisses soigneusement pressées, de façon à ce qu'elles ne laissent pas passer les baies à leur travers, mais qu'elles supportent le poids des olives. Des installations aussi spécifiques doivent laisser des traces archéologiques. Mais la plupart de ces installations étaient en bois. Et il faut donc une fouille très attentive pour essayer de les retrouver. Et dans la littérature publiée, je ne connais guère qu'une huilerie qui a été ainsi équipée. Et c'est une huilerie que, nous allons le voir, nous avions fouillée une trentaine d'années. Ailleurs, notamment en Espagne et en Afrique, les lieux de stockage des olives sont tous construits plutôt en maçonnerie. En voyant le bel exemple que nous avons trouvé, Michel Pascalini et moi-même, dans une fouille que nous avions réalisée en 1979, au lieu dit Lormeau à Tarado, dans le département du Var. À l'époque, nous avions dégagé deux fermes d'époque romaine qui produisaient à la fois de l'huile et du vin. Nous avons, dans une de ces fermes, mis au jour une pièce qui est accolée à la salle de moulin à huile. Nous y avons mis au jour donc une pièce à peu près trapézoïdale, avec des murs larges environ 30 cm, et qui était assez profondément fondée, et la pièce était couverte d'une toiture, donc nécessaire évidemment dans nos climats tempérés pour protéger la récolte. Le sol était recouvert d'un mince lit de mortier de tuileaux, et qui la rendait à peu près étanche, encore que certains endroits étaient en terre. Contre le mur est, on a trouvé quatre moitiés de tuiles plates qui étaient déposées parallèlement au mur. À leurs extrémités se trouvaient deux alignements de clous qui attestaient la présence d'un bâti de bois entre les tuiles et le mur. Entre les deux ensembles de clous, il y a une tuile ronde qui était disposée de façon à former un caniveau parallèle au mur. Ces alignements de clous marquent l'emplacement en fait des cloisons de bois qui séparaient les compartiments, qui sont donc tout à fait analogues à ceux qui sont décrits par Columel. On note de la même façon le même souci d'évacuer les margines à l'extérieur de la pièce. Donc là, il y avait en fait deux cloisons de bois, donc trois compartiments, et tout un système d'évacuation à travers le mur pour éviter que les olives ne restent dans le rôde de végétation. Ce type de vestiges devrait être plus courant, mais ça suppose évidemment une fouille très minutieuse de façon à retrouver les aliments de coupe. Désormais, toutes les fouilles sont bien faites et on devrait à l'avenir trouver d'autres installations du même type. Plus au sud, donc en Espagne et en Afrique, il existe des installations de stockage des olives qui sont surtout sous la forme de compartiments maçonnés. On en trouve par exemple dans les villas romaines de El Galumbar à Malaga, de Cuesta del Espino à Córdoba, de Baños de la Mahana à Grenade, de la villa de los Cipresos à Murcie par exemple. Mais l'exemple le mieux conservé est celui récemment fouillé de la villa de los Villaricos dans la région de Murcie. C'est une villa qui a été fondée au 1er siècle, qui a connu une phase d'extension maximale à partir de la seconde moitié du 2e siècle et qui a été encore agrandie au 4e siècle. Il y a un corps central qui est doté de tous les aménagements habituels, de grands thermes, un vaste bâtiment abritant la partie résidentielle et aussi une installation viticole. Et plus détaché de la villa, un bâtiment d'ensemble qui comprend une très belle huilerie avec deux moulins à huile et cinq pressoirs. Ce qui nous intéresse ici, c'est que entre les deux moulins, il y a un compartiment doté à la base d'une rigole pour évacuer les eaux de végétation et qui servait donc évidemment à entreposer des olives avant qu'elles ne soient broyées dans les deux moulins. Des installations analogues sont aussi connues en Mauritanie tingitane et en Afrique, où les pressoirs sont souvent associés à des aires pourvues d'une rigole, où donc on déposait les olives avant de les écraser au moulin. Ces aires de dépôt, dallées et limitées par des planches, sont en relation directe avec la rue. Dans les grandes huileries de Bizacen, comme Birsgaon, près de Tebessa, ces aires étaient situées entre les têtes des pressoirs et le chemin. Malgré les recommandations des agronomes, la fermentation des olives était voulue par les artisans, car elle facilitait l'extraction de l'huile. L'échauffement qui est produit par la fermentation fluidifie l'huile qui est contenue dans les cellules et donc les rend plus aisées à extraire, puisque l'huile coule plus facilement. Et c'est d'ailleurs ce que dit Varron dans les Res Rusticae 1.55 quand il dit « Les olives qui servent à faire l'huile sont d'ordinaire amoncelées en tas dans des compartiments pour y pourrir légèrement. » En fait, c'est pour y fermenter et donc s'échauffer. Et la Mishnah, dans le traité de Horoth 9.5, dit beaucoup plus subtilement que les olives laissées dans les paniers afin de se ramollir pour être pressées, pour être plus aisé à presser, deviennent impures, alors que si c'est pour les mettre au sel et les manger, elles restent pures. Ces recommandations et ces interdictions montrent donc que la pratique était très courante. Nous savons aujourd'hui que l'échauffement qui est produit par la fermentation, certes, a l'avantage de fluidifier l'huile, mais elle produit une dégradation, notamment de ses qualités organoleptiques, et on obtient donc une huile forte, voire âcre. Et en fait, il y avait une autre façon de fluidifier l'huile sans trop la corrompre, qui consistait à laver les olives à l'eau bouillante juste avant de les passer au broyeur et au pressoir. Et c'est une pratique que rapporte Pline dans le livre 15, paragraphe 23, et aussi une pratique à laquelle fait allusion un passage de Digeste, le recueil des avis de la jurisprudence romaine, dans un passage qui est au livre 19.2, sous paragraphe 19.2, qui est daté du 3e siècle après Jésus-Christ, lorsque, décrivant l'équipement de base d'un pressoir, Il est indiqué que le propriétaire d'une huilerie doit mettre à la disposition de l'artisan locataire une chaudière en bronze pour laver les olives à l'eau chaude. Donc ça, c'est la bonne pratique, mais il est très clair que les mentions répétées des agronomes antiques contre le pourrissement et la fermentation des olives montrent que, en réalité, on se contentait d'attendre qu'elles fermentent naturellement avant de les porter au pressoir. Ceci nous amène donc au broyage des olives qui était fait en fait de plusieurs façons et avec plusieurs types d'instruments. Et qu'il faut, je crois, classer en trois catégories selon le mode opératoire. Le broyage par percussion, le broyage par écrasement alternatif et le broyage par écrasement rotatif. Commençons par le broyage par percussion. Il y a d'abord une méthode assez simple qui consiste à broyer à bras avec un pilon dans un mortier. Ces mortiers sont le plus souvent en pierre, ils sont très courants et probablement les archéologues n'ont pas prêté assez attention à eux, d'autant plus que leur faible productivité et leur polyvalence s'accommodent probablement assez bien de pressoirs à torsion en tissu, qui évidemment ne laissent pas de traces. Donc, assez souvent, on n'a pas fait le rapport entre l'existence de ces gros mortiers et la possibilité d'une production certes faible, voire domestique, d'huile d'olive. Une autre mode d'écrasement des olives par percussion se fait non pas à bras mais au pied, en piétinant les olives avec des sabots de bois. Ce procédé était connu en Grèce sous le nom de Krupenzai et en latin sous le nom de Canalis et Solea, c'est le terme qu'emploie Columel au livre 12, paragraphe 52-7, ce qui veut dire mot à mot le canal et la chaussure. Il s'agit en fait d'une auge allongée qui est en bois ou quelquefois en pierre, dans laquelle l'ouvrier écrasait des olives au pied de façon à faire éclater la peau. Pour primitive qu'elle soit, cette façon de faire était très répandue dans les campagnes à toutes les époques, car son coût et son encombrement étaient minimes. Cette méthode, subsistant en Corse et en Espagne jusqu'au XIXe siècle, généralement associée, nous le verrons, à des pressoirs à torsion. C'est ce qu'on appelle le palmento en Corse, où les olives étaient ensuite versées dans la sacula. Cette sacula a été mise dans le tronc évidé, le palmento, ce à quoi doit faire allusion Columel lorsqu'il dit le canal, et on les piétinait avec des sabots de bois ou de grosses chaussures. À ce propos, il y a un très intéressant article d'Antoine Casanova, un qui s'appelle « Notes sur les pressoirs pré-industriels de Corse », paru dans Corse historique 1966, et puis plus généralement, Antoine Casanova avait fait et publié à l'université de Besançon en 1990 un ouvrage sur les paysans et les machines à la fin du XVIIe siècle qui est tout à fait intéressant parce qu'il montre bien l'apparition des machines et le contraste qu'il y a entre les procédés primitifs et l'apparition des machines selon les zones et selon les zones qui se développent en liaison avec le commerce méditerranéen. Pour revenir à l'Antiquité, beaucoup de petits paysans devaient avoir recours à ces procédés. Et cela explique en partie l'invisibilité archéologique de la production d'huile, notamment dans les petites exploitations de Grèce. Par exemple, dans les fermes de la grotte de Pan, dans la ferme de Vari en Attique, qui ont été occupées au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, la fouille n'a pas livré de pressoir, alors qu'on se trouve dans une zone où l'olivier était sûrement cultivé à cette époque. Il est donc probable qu'on y employait des méthodes de production qui ne laissent guère de traces archéologiques, telles que par exemple l'écrasement des olives avec les pieds et leur pressurage dans des linges ou dans une presse en bois. Enfin, pour rester dans le système de broyage par percussion, si on peut dire, il faut faire un sort à la question de la tudicula. Et je pense donc la tudicula, qui est une machine mentionnée par Columel au livre 12, paragraphe 52, C'est une machine qui, en fait, devait utiliser un pilon dans une trémie. En effet, Colemel nous dit que cette tubicula est un appareil qui est semblable à un triboulum qui serait placé verticalement. Or, le triboulum est une herse à dépiquer le blé et qui est formée d'une planche sur laquelle on plantait des éclats de silex. Cette planche à bourreau courbé était traînée sur l'air à blé et déchiquetait la paille, libérant le grain. Colemel dit aussi que cet appareil serait relativement efficace s'il n'avait pas tendance à s'engorger. Jean-Pierre Laporte, dans un article intitulé « La tunicula, machine à écraser les olives et les massues en bronze d'Afrique du Nord », paru dans le bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques en 1974-75, a proposé d'interpréter les masses de bronze hérissées de picots trouvées dans certaines fermes d'Afrique du Nord, notamment dans celle de Mador, Nador, qui est située entre Tipaza et Cherchel. Il a proposé de les interpréter comme des battoirs qui auraient donc eu un mouvement alternatif, qui auraient broyé les olives et qui auraient donc été une partie de cette tunicula. L'interprétation est séduisante, elle a l'avantage d'expliquer ses instruments pour le moins curieux, et elle a été généralement acceptée, y compris par moi-même. À la réflexion, je pense toutefois qu'elle ne s'accorde pas avec le peu que l'on sait de la tunicula. D'un point de vue chronologique d'abord, car les masses de bronze de Nador proviennent de niveaux de l'Antiquité tardive, alors que Colemel décrit un appareil en fonction au début de l'Empire. Mais ce n'est pas un argument déterminant, car les types d'appareils sont longtemps restés immuables, et surtout la description de la tunicula par Colemel indique qu'il s'agit d'un appareil dans lequel on dilacère les olives sur une planche hérissée de picots, et non qu'on les écrase avec des battoirs qui seraient avec des picots, comme ce serait le cas dans la reconstitution de la porte. Je pense qu'il faut plutôt restituer une trémie comportant une ou deux planches verticales avec des picots, probablement en silex, dans lesquelles on versait des olives. On devait forcer leur passage avec un pilon et recueillir les olives dilacérées dans un baquet. Évidemment, ce type d'appareil tout en bois ne laisse pas de traces archéologiques, pas plus d'ailleurs que le triboulum, dont on ne pourrait éventuellement trouver que des silex informes. Les instruments de Nador faisaient peut-être partie d'un autre type d'appareil qui servait éventuellement à déchiqueter des olives, mais qui n'avait peut-être aussi bien rien à voir avec le broyage des olives. C'était les cours du Collège de France le 30 octobre 2017. Vous venez d'écouter Jean-Pierre Brun, technique et économie de l'huile d'olive dans la Méditerranée antique. Aujourd'hui, l'huile de lin, de banne et l'huile d'olive. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Pierre Brun. L'archéologue a publié en 2017 aux éditions Errance « Le vin et l'huile dans la Méditerranée antique, viticulture, oléiculture et procédés de fabrication » et chez le même éditeur en 2004, il avait aussi publié « Archéologie du vin et de l'huile, de la préhistoire à l'époque hellénistique ». Un grand merci à Andy Signoret de la Bibliothèque de Radio France et aux équipes de la documentation d'actualité. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration de l'histoire de l'huile d'olive dans le monde antique en compagnie de Jean-Pierre Brun. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.